pour les Nations Unies. Amnesty International, l'Union africaine, l'Union européenne et les ONG des droits de l'homme à se lever et agir pour mettre fin à l'esclavage des Noirs qui se passe en Mauritanie. Oh yeah, my people la grosse offre. L'esclavage en Mauritanie, peuple noir continue d'être toujours victime par l'homme blanc, barbare, criminel et raciste. Et sous les yeux d'un gouvernement qui est complice, ils travaillent jour et nuit comme des troupeaux de labour et subissent des châtiments corporels inhumains. Ils sont cédés et loués comme des machines par leur mère et n'ont aucun droit sur leur épouse et leur enfant. Ils vivent dans les injustices et les discriminations et sont très mal intégrés dans la société. Moi